Je quittai Rogojine et rentrai seul chez moi. Lorsque je pénétrai dans la villa, je constatai qu'une joyeuse compagnie s'était installée sur la terrasse brillamment éclairée. Il y avait dans cette compagnie Lebedev, le tchinovnik, le général Ivolgin et ses deux fils, Gabriel et Kolia, un ami de Kolia, Hippolyte, gravement atteint de phtisie, Eugène Pavlovitch, le fiancé et conduit d'Aglaï Ivanovna, Ferdischenko, qui prétendait qu'on ne pouvait pas vivre avec un nom comme le sien, Bourdovski, qui voulait se faire passer pour le fils illégitime de mon bienfaiteur Pavlitchev, et encore beaucoup d'autres que je ne connaissais point. Ils échangeaient des propos grivois, riaient aux éclats, et buvaient ferme. Je tournais les talons. Je ne me sentais pas capable d'affronter ces invités qui s'étaient installés chez moi. Je rebroussais chemin. Et sans m'en rendre compte, je me retrouvais bientôt dans le parc. Un calme magnifique y régnait. On n'entendait que le bruissement des feuilles. Et ce bruissement menu était comme une complainte adressée au ciel indifférent. Je regardais machinalement ma montre. Il était 4 heures du matin. J'avançai jusqu'au banc vert qu'Aglaï Ivanovna m'avait indiqué dans son billet. Je m'y assis avec précaution, comme si je m'asseyais sur un canapé recouvert d'un tissu fragile. À peine assis, je sombrai dans un sommeil irrésistible. Je fis plusieurs rêves, tous angoissants. À la fin, je rêvais de Nastassia. Dans mon rêve, fait étrange, elle avait changé de visage. Et ce nouveau visage, plein d'horreur et de repentir, était celui d'une criminelle qui venait d'accomplir un horrible méfait. Des larmes brillaient sur sa joue pâle. Elle me fit signe de la main comme pour m'inviter à la suivre. Mon cœur se contracta. Pour rien au monde, je ne voulais voir en elle une criminelle. Je me débattis, mais elle me fit un nouveau signe de la main. Et je me levai pour la suivre. Mais vous dormez, prince. Je me réveillai en sursaut. Aglaï Ivanovna se tenait devant moi, souriante. Elle me tendit la main et poursuivit. Comment avez-vous pu vous endormir sur ce banc, sachant que vous aviez rendez-vous avec moi? Je ne sais pas, Aglaé, je suis assis sur ce banc depuis 4 heures du matin. Vous m'ayez fixé rendez-vous pour 7 heures, et j'avais donc 3 heures à attendre. Mais dites-moi, Aglaé, vous n'avez vu personne d'autre sur ce banc? Non, je ne crois pas, Presse. Êtes-vous sûre que personne d'autre que vous ne m'a réveillé? Pourquoi me demandez-vous cela? Parce qu'il me semble qu'une autre femme est venue ici. Ah, une autre femme. Nastassia Philipovna, sans doute. Non, ne faites pas attention, Aglaé. J'ai dû voir cette autre femme dans mon rêve, tout simplement. Asseyez-vous, je vous en prie. Oh, non, je vais rester debout. Nous n'avons qu'une demi-heure devant nous, car à 8 heures, je dois être rentrée chez moi. Eh bien, c'est bien, restons debout. Mais parlez. Pourquoi m'avez-vous dit de venir ici de si bonne heure et en cachette? Pour vous offrir mon amitié, prince. Mais peut-être ne voulez-vous pas de mon amitié. Dans ce cas... Oh, si. Je veux bien de votre amitié, naturellement. Mais je ne sais pas si c'était nécessaire que vous veniez me l'offrir ici. Ah, vous croyez? Vous croyez? Avouez que vous me prenez pour une petite sotte, comme ils le font tous à la maison. Pas du tout. À mon avis, vous êtes parfois très intelligente. Mais un jour, vous m'avez dit une phrase sur la vérité et la justice qui m'a frappée. Je l'ai même notée sur mon agenda pour y réfléchir. Aglaé Ivanovna rougit, de plaisir cette fois. Au fond, sous ses airs hautains et désabusés, elle cachait une âme d'enfant. Écoutez, prince, il y a longtemps que je voulais vous dire que je vous crois l'homme le plus honnête et le plus droit qui existe au monde. Je pense également qu'en dépit de votre maladie, vous possédez un esprit supérieur à celui des autres. Oh, vous me jugez avec trop de bonté. Je l'ai compris dès que je vous ai vu. C'est pourquoi j'ai refusé ma main à Eugène Pavlovitch. Dois-je comprendre que c'est à cause de moi que... Et je ne veux plus qu'on me parle de ce mariage. Or, il ne se passe pas de jour que maman et mes sœurs ne remettent cette question de mariage sur le tapis. J'ai donc décidé de quitter la maison, et je vous ai choisi pour m'aider à le faire. Vous voulez abandonner votre maison, Aglaé? Mais c'est insensé. Savez-vous à quoi vous vous exposez si... Mais je le sais. Ou plutôt, je le devine. Mais qu'importe, puisque vous partirez avec moi, vous me guiderez, et vous me défendrez s'il le faut. Je ne peux vous être d'aucune utilité, voyons. Je peux seulement vous compromettre, faire de vous la cible des médisances et des railleries de la société. Oh non. Renoncez à votre funeste projet. Je vous en supplie. C'est bien. Je renonce à mon funeste projet, comme vous dites. Je reste à la maison. Et j'épouse Gabriel Ardalionitch. Gabriel Ardalionitch? Non, non. Ce mariage fait de vous l'esclave de ce tyranno ombrageux et cupide. Autant vous jeter à l'eau, Aglaé. Vous avez peut-être raison. Je ne peux pas me marier avec Gabriel Ardalionitch. Que faire alors? J'étouffe à la maison, je déteste les réceptions, les bals, les gens que j'y rencontre. Comment donner un sens à mon existence? Donner un sens à votre existence? Oui, je voudrais être utile aux autres. Embrasser une cause, peut-être, et me battre pour elle. Me comprenez-vous? Parfaitement, Aglaé. Mais voilà, avant de chercher à se rendre utile aux autres et à embrasser une cause, il faut se pencher sur soi-même, acquérir une volonté de faire, et se purifier avant de pouvoir... Oh, Léon Nikolaïevitch, vous êtes adorable. Et pourquoi pas, pendant que vous y êtes, se livrer à une longue, très longue pénitence et à un jeûne sévère. Vous avez raison, il faut également se livrer à la pénitence. Et surtout, rejetant tout orgueil, s'humilier devant Dieu et devant son prochain. Laissons cela, prince. Vos exhortations ressemblent à celles d'un vieux pope de campagne. Avouez qu'au fond de vous, vous pensez que je vous ai fait venir ici pour mieux vous attirer dans mes filets. Oui, pour qu'on nous trouve ensemble et qu'on vous oblige à m'épouser. Que dites-vous là, Aglaé Ivanovna? Vous devriez avoir honte d'une telle pensée. Vous qui avez un cœur si pur, si... Non, non, je suis persuadé que vous ne croyez pas un mot de ce que vous dites. Je n'ai pas honte, prince. On ne doit jamais avoir honte de ses paroles ou de ses gestes. Sinon, on est vite bousculé, piétiné. Mais pourquoi pensez-vous que j'ai un cœur pur? Et comment avez-vous osé, il n'y a pas longtemps, m'envoyer une lettre d'amour si j'ai un cœur pur? Vous faites sans doute allusion à la lettre que je vous ai envoyée de Moscou. Mais c'était une lettre des plus respectueuses. C'était une lettre qui m'était dictée par mon affection pour vous. Oui, à cette époque, je vivais dans les ténèbres. Et vous m'apparaissiez comme une lumière. Oh, c'est bon, Léon Nikolaïevitch. Je me rends compte que je me suis servi d'un subterfuge un peu grossier. Mais je l'ai fait exprès, pour vous mettre à l'épreuve. Pardonnez-moi si je vous ai blessé. Et ne me regardez pas ainsi, comme si j'avais commis un crime. Non, non, non, non. Vous êtes toutes pardonnées. Et vos explications me rassurent. Il m'arrive souvent d'avoir peur de ce que je vais dire, et je le dis quand même. Vous venez de m'avouer que vous m'avez écrit cette lettre lorsque vous viviez dans les ténèbres. Oui, dans les ténèbres. À l'époque la plus triste, la plus sombre de ma vie, Aglaé. Oh, si vous saviez tout. Mais je sais tout, prince. Je sais que vous avez passé un mois entier dans le même appartement que cette vilaine femme, Nastasia Philipovna, avec laquelle vous vous étiez enfui de Saint-Pétersbourg. Je sais également... C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkine, et Ginette Taffin, Aglaé. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.